Bonjour Jean-Claude Guédon, nous sommes à Montréal. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Jean-Claude Guédon, professeur à l'Université de Montréal et intéressé par les questions de libre accès et d'évolution de la recherche dans ce contexte en voie de formation. Et pour vous, quels sont les problèmes majeurs dans le système de la recherche aujourd'hui? Ouais, il y en a beaucoup, mais les deux principaux que je verrai immédiatement seraient d'une part la question de ce que j'appellerais une conversation malaisée, saccadée entre les chercheurs, parce qu'elle est interrompue par les processus d'appropriation et par la publication et ainsi de suite, qui font que cette conversation est loin d'être optimale. Du même coup, nous perdons énormément de ressources intellectuelles du monde parmi les gens qui sont inscrits déjà dans le jeu de la recherche scientifique. La deuxième série de problèmes que je vois, c'est un système en fait de recherche mondiale qui exclut autant qu'il inclut. C'est-à-dire que les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement, non seulement ont des problèmes de développement de capacités scientifiques, mais se heurtent en plus à des systèmes de publication et de collaboration qui font que, ou bien ils travaillent aux problèmes qui intéressent les gens des pays riches, et avec un peu de difficulté arrivent à se faire voir de cette façon-là, ou bien demeurent complètement isolés dans leur communauté nationale ou régionale, sans pouvoir se faire entendre du reste du monde. Ceci crée en fait une série de distorsions dans les questionnements scientifiques qui, à mon avis, sont très graves. Et comment est-ce que vous verriez le futur de la recherche? Je verrais évidemment une réponse à ces deux questions. Donc d'une part, une conversation améliorée, et je pense que le libre accès tel qu'il est en train de se manifester actuellement dans le monde est une des réponses possibles. Et en même temps, je verrai à travers le libre accès la création de contrepoids intellectuels, scientifiques dans des régions du monde comme en Afrique, comme en Asie du Sud-Est, comme en Amérique latine, pour qu'il y ait une collaboration sud-sud qui devienne suffisamment significative et importante pour qu'elle force les gens du Nord à y prêter attention. À partir de ce moment-là, un vrai dialogue pourrait s'engager sur un plan beaucoup plus égalitaire entre ces communautés des pays en émergence, des pays plus pauvres et des pays traditionnellement riches et dominants, et permettrait d'un rééquilibrage de la recherche scientifique à l'échelle mondiale. Et est-ce que vous connaissez des initiatives qui ont déjà entamé Il me semble que certaines initiatives, en particulier en Amérique latine, commencent à mettre en place certains éléments de ce genre de vision ou de rêve. Je pense, je répète cela souvent, je pense à Cielo avec le Brésil et les pays associés au Brésil, ainsi que Redalic au Mexique et les pays associés au Mexique. Et ces collections de revues, dans le cas de Cielo, c'est quand même plus de 1000 revues, commencent à jouer un rôle à l'échelle mondiale qui fait que si un chercheur du Nord ne fait pas attention à ce qui se passe dans ces revues-là, à terme, on va pouvoir le critiquer pour ne pas avoir fait son travail correctement. D'accord. Merci beaucoup. De rien.